Bonjour et bienvenue dans ce journal de ce dimanche le 16 octobre 2016, dont voici d'abord la charpente. Célébration ce dimanche de la Journée internationale de l'alimentation, certaines familles du quartier 4 et de la zone Outerere en mairie de Bujumbura indiquent qu'ils mangent une fois par jour. Mon confrère Placide Niomungile qui s'y est rendu nous en dira plus de précisions dans ce reportage. Et 70% de la population burundaise en 2015-2016 ne mange pas tous les groupes d'aliments, tels sont les propos d'un nutritionniste Athanase Nihanogeye dans son journal, vous l'entendrez. Les autorités devraient analyser en profondeur s'il n'y aura pas de conséquences qui devrait arriver chez le consommateur. Cela a été dit par Noé Ngurunziza, représentant légal de l'Association burundaise des consommateurs, au moment où l'Office burundais des recettes appelle les commerçants qui faisaient passer leurs marchandises par le poste frontalier de Kanyaruba d'emprunter d'autres voies. Dans ce journal, vous allez suivre Noé Ngurunziza. En actualité internationale, en Haïti, après plus de 10 jours du passage de l'ouragan, le secrétaire général de l'ONU dit être déçu par la communauté internationale. Tout de suite, les détails. Ce journal vous sera présenté par Evra Réhavi. La mise en onde est assurée par Eric Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour et bienvenue dans ce journal de ce dimanche. Ouvrons ce journal dans la page sécurité. Deux personnes sont mortes à Rugazi dans la province de Bubanza et deux autres personnes suspectées ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. N'est-ce pas, Spes Caritas Kabayani? La première victime du nom de Baraka Nfiti et Béatrice est une femme qui habitait dans le site des déplacés de Nyamirama sur la colline et commune Rugazi. Elle s'était levée très tôt le matin de ce dimanche pour acheter les bananes mûres qu'elle revend quotidiennement au marché de Muzinda dans la même commune de Rugazi. À quelques 500 mètres de son domicile, elle a été tuée, presque décapitée. La tête a été sérieusement cassée à la machette par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés. C'était vers 5h de ce dimanche. Sa fillette de 2 ans, qui était au dos, a connu le même sort, selon les témoins sur place au lieu du drame. Ce sont les passants qui se rendaient au marché de Muzinda qui ont aperçu les deux corps sans vie, jetés dans une petite trousse tout près de la route et ils ont crié au secours. Après les enquêtes préliminaires qui ont duré quelques minutes, la police a arrêté l'époux de la victime, un surnommé Boudissi qui menait une mauvaise cohabitation avec son épouse selon les voisins. L'autre qui a été arrêté est le fils de la victime, un jeune homme qui fréquente la troisième année dans un lycée communal de la localité. Les enquêtes continuent selon les sources policières. C'est Caritas Kabanyana, Rugazi, Radio Isanganiro. Merci, Space, depuis Bubanza. Après la mort de Vincent Nshimana, ancien directeur de la radio Isanganiro, qui a rendu son âme vendredi en Belgique, où il venait de passer quelques semaines pour des soins, Antoine Kaburahe dit que c'était un homme intègre. Selon lui, dans le monde médiatique, il faisait partie des professionnels. Suivez-le. Vincent, moi, je l'ai connu d'abord à l'Université du Burundi. Il faisait le département d'histoire. Moi, je faisais la littérature. Et puis, c'était quelqu'un de très agréable. C'est quelqu'un qui avait la blague facile. C'est un homme qu'on adorait dans notre métier. C'était un homme juste. Vous savez, au niveau des médias burundais, nous avons connu beaucoup de problèmes que je ne vais pas relater ici. Et Vincent était tout le temps, je dirais, sur la ligne de front, soit en tant que président de la Maison de la Presse, soit en tant que représentant des associations comme Panos. Chaque fois, en première ligne, Vincent savait toujours trouver les mots qu'il faut, il savait apaiser, il savait trouver des solutions. Je me souviens aussi, pendant la synergie des médias, comment il s'est donné pour que la synergie des médias fonctionne bien. Moi, je dirais, s'il y a un trait qu'il faut garder de Vincent, à côté de sa gentillesse, c'est l'intégrité. Vincent, c'était un journaliste intègre. Sans transition, je vous le disais en titre, et certaines familles du quartier 4 et de la zone Outerere de la mairie de Bujumbura mangent une fois par jour. Telles qui se sont entretenues avec la radio Isanganiro ce dimanche indiquent que le régime est en particulier composé de patates douces et demandent d'être assistées. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'alimentation, notre confrère Placide Niomungela a rendu visite à une famille de Outerere 2, 16e avenue. Voici son reportage. Nous sommes chez Chantal Minani, en plus de son époux désœuvré. Elle a 5 enfants. La brasière ne porte rien et sa progéniture joue avec les autres dans la rue à la normale car elle sait qu'elle ne va pas dîner. Chantal Minani indique qu'elle parvient quand même à manger une fois la journée, dont le soir. Chez moi, je mange une fois la journée. Nous n'avons rien. Nous mangeons seulement le soir. Je l'ai cherché à faire, mais maintenant, il ne pleut plus. Il est difficile à Chantal d'avoir de l'argent pour rationner sa famille. Elle doit aller demander chez qui elle peut faire la lessive. Si j'obtiens celui qui a besoin de faire la lessive, je le fais. Il peut me donner 2000 francs pour un tas d'habits ou il me donne 1 kilo de haricots, mais je dois aller demander. Avec ces sous, malheureusement, les denrées alimentaires sont devenues chères. Chantal Minani ne rationne sa famille que de la patate douce mêlée du piment, un régime habituel à ses enfants, dit-elle. Nous les épurchons, puis nous mettons du sel mêlé à du piment. Nous pilons ce piment, nous ajoutons du pamplemousse et beaucoup de poireaux et du maggi. Quoi alors faire? Nous voulons qu'ils boivent beaucoup d'eau pour se sentir rassasiés. Ils sont habitués à ce régime car on n'a pas d'autre choix. C'est ça notre aliment. Pour échapper à la figure pleine de pitié de ses enfants suite à la fin de la journée, Chantal Minani cite qu'il est pour voir si elle peut gagner quelque chose. Mais une forme de se cacher. On ne peut pas rester en face de ces enfants alors qu'on n'a rien à leur donner. Tu dois quitter la maison pour voir là où passer la journée. S'il y a quelqu'un qui te donne à laver, il doit te payer. Cette vie est partagée dans le quartier où télé les deux. Nijimbele Aïcha, sa voisine avec 4 enfants, indique que l'aliment du jour et toujours la patate douce. Le piment suscite l'appétit pour ses enfants. Il y a d'autres qui ne peuvent pas avoir ce piment dans ces patates douces. Sous les avenues d'ici, on vend ces patates douces à 50 francs et on enduit ces derniers du piment. Ces familles demandent qu'elles soient assistées à en vivre, sinon elles risquent de mourir de faim. Mais une autre alternative, ajoutait-elle, c'est d'avoir un capital pour débuter avec de petits métiers de commerce. Placide Niyomwongere de retour vers Buterere. Et 70% de la population burundaise en 2015-2016 ne mange pas tous les groupes d'aliments de la malnutrition chronique pour les enfants de moins de 5 ans et de 50%. Tels sont les propos des nutritionnistes ce dimanche à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Athanase Nyanoge a en outre ajouté, la malnutrition s'est aggravée au Burundi avec la crise de 1993. On l'écoute. Avec la crise de 1993, on a vu ces maladies s'aggraver, d'où certains organismes étrangers ont aidé le Burundi dans la mise en place des centres nutritionnels de supplémentation CNS et des centres nutritionnels thérapeutiques. Aujourd'hui, il y a des chiffres récents. Des études élaborées par la FAO, PAM et OMS montrent que 32% des ménages burundais connaissent l'insécurité alimentaire très sérieusement. Alors, la malnutrition chronique atteint environ 50% des enfants de moins de 5 ans. Cela montre que ce taux dépasse le seuil critique de 40% fixé par l'OMS. 5 provinces au Burundi, Muyinga, Bubanza et Rutana, dépassent donc le seuil critique de 50%. 70% de la population burundaise en 2015-2016, mange un seul groupe par jour. 30% mange deux groupes et plus. Pour résumer tout ça, plus de la moitié des Burundais ne mangent pas à leur faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter bien sûr la production. Produire ce que les Burundais consomment. Cela peut se faire bien sûr via l'État. Donner des produits de supplémentation comme les bouillies de céréales. Et renforcer ensuite l'éducation nutritionnelle. D'abord, il y a les groupes vulnérables, les enfants de moins de 5 ans, et les femmes enceintes, les vieillards, ils augmentent chaque année. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h13 dans les studios de la radio Isanganiro, journal continue. Nous nous rendons au sud du pays. Deux hommes, dont un employé de la commune Rumonge, sont dans les mains de la police depuis le matin de ce samedi. Ils sont accusés de délivrer de faux passeports de Rumonge. Nous appelons notre correspondant Jean-Pierre Misago. un certain Amis, employé de la commune Rumonge, et Nikwigize Alexis, alias Muyama, enseignant au lycée Iteba, qui s'était passé pour un chef d'une sous-colline du quartier Swahili, selon l'administrateur communal de Rumonge, sont cela arrêtés puis retenus au cachot de la police judiciaire de Rumonge depuis ce samedi matin. Leur arrestation a été motivée par la saisie de 5 vrais passeports délivrés à des Congolais, comme des habitants de Gatumba, en commune de Mutimbuzi dans la province de Bujumbura, et 3 cartes nationales d'identité délivrées à des Congolais, comme habitants du quartier Swahili de la ville de Rumonge, selon Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge. Cet administrateur communal indique que ce sont des enquêtes effectuées sur ces Congolais qui voulaient entrer en Tanzanie comme des réfugiés burundais craignant pour leur sécurité, qui ont permis de débusquer ce réseau, et cet employé de la commune devra aussi écoper des sanctions administratives. Au Pessin, un donatien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge, confirme cette rétention pour des réseaux d'enquête. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Misago depuis Rumonge. Autre province, autre nouvelle. Les non-voyants demandent que la canne blanche qu'ils utilisent pour se déplacer sont enregistrées auprès des conducteurs de véhicules. Cette quête a été faite ce samedi lors de la célébration de la journée internationale dédiée à la canne blanche. Cette journée a été célébrée au niveau national à Gitega, au centre pour jeunes Rumuri. N'est-ce pas Arthur Kavaouche? Cette journée internationale dédiée à la canne blanche que les non-voyants utilisent pour se déplacer a été célébrée au niveau national à Gitega, au centre pour jeunes aveugles Rumuri situé à Mushasha. Dans son discours lit dans le système Braille, le représentant des autres jeunes non-voyants a demandé à l'État que la canne blanche soit incluse dans les cours qui sont donnés aux futurs conducteurs de véhicules qui se préparent à passer leur permis de conduire. Selon ce représentant des autres jeunes non-voyants, en se déplaçant, il frappe chaque fois et à chaque pas cette canne dans la rue, et pour celui qui n'est pas avisé, il prendrait cela pour un jeu. Et que pour ceux qui sont dans les écoles fondamentales et ceux qui sont au poste fondamental, les examens et ou tests organisés par l'État, on ne met pas de questions à analyser une figure, car ils ne sont pas à mesure de voir la figure en question. À côté de cela, ils ont demandé que durant ce genre d'examen ou tests nationaux, le temps imparti devrait être ajouté pour les non-voyants. Sur toutes ces doléances, la responsable du CDFC Gitega, qui a représenté le ministre ayant en charge la solidarité nationale dans ses attributions, a fait savoir que ces doléances sont fondées et qu'elle va les transmettre au ministre pour trouver des réponses adéquates. Sachez que le ministère de la Solidarité nationale a donné au centre des jeunes aveugles Rumuri 500 kg de maïs et 300 kg de haricots. Depuis Gitega, Arthur Kavaouche pour la radio Isanganiro. Merci Arthur. Les pages économie de ce journal. Les autorités devraient analyser en profondeur s'il n'y aura pas de conséquences qui devraient arriver chez le consommateur. Tels sont les propos de Noël Ngurunziza, représentant légal de l'association burundaise des consommateurs Abuko en sigle. Il le dit au moment où l'Office burundais des recettes, OBEL, appelle les commerçants qui faisaient passer leurs marchandises par le poste frontalier de Kanyaruba d'emprunter et d'autres voies. Que ce dernier a été fermé temporairement pour des raisons de gestion, qu'il n'y a pas plus de trafic entre le Burundi et le Rwanda selon toujours l'OBEL. Suivez plutôt Noéli Nkurunziza. Nous entendons que l'Office burundais des recettes de retirer ses services au niveau de la frontière. Jadis, cette frontière, il y avait un passage officiel, légalement reconnu. Il y avait les consommateurs, il y avait les opérateurs économiques, il y avait les touristes. Mais si on faisait de fermer les services de l'OBR, c'est que les commerçants ne pourront plus passer par là et ils seront obligés de faire un trajet additionnel pour aller trouver ces services de l'OBR où ils se trouvent. Et les conséquences au niveau du consommateur ne manquent pas. D'autant plus que les consommateurs seront obligés de faire un trajet additionnel. Et qui dit trajet additionnel dit aussi un coût additionnel par rapport au prix qu'ils vont pratiquer aux consommateurs. Par avoir de conséquences, le consommateur va aussi être obligé de supporter un coût. Et peut-être, on ne sait pas s'il pourra encore y parvenir. Avec les conséquences que ces consommateurs aussi ne pourront plus vendre comme ils le faisaient. Et peut-être, dans le circuit, le BL aussi ne pourra plus profiter comme il avait si le commerçant devait faire deux tours par mois parce qu'il a écoulé son produit. Maintenant qu'il est devenu chez nous, il fera plus sur tous ces tours-là et le beurre aussi risque de perdre. Oui, la première chose, c'est qu'on fasse le constat qu'il y avait des opérateurs économiques qui faisaient passer leurs produits à ce poste frontalier. Maintenant que le beurre sortit, les autorités concernées devraient analyser en profondeur, voir s'il n'y aura pas des conséquences qui devraient finalement arriver chez le consommateur et si pareil cas devait arriver, de prendre toutes les mesures pour éviter que le consommateur soit obligé de payer un coût additionnel, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour toujours protéger le consommateur afin qu'il ne puisse pas payer un produit, plutôt le coût supplémentaire. À 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro, le journal continue. Certains habitants de Buterere 1 en zone Buterere de la commune urbaine de Nahangwa se plaignent, disant que le chef de quartier Buterere 1 leur demande 3000 francs bou pour payer les cahiers de ménage. Ces cahiers étant achetés à 2000 francs bou. De son côté, ce chef de quartier, rejette les accusations. Suivez Alexis Ndikumana, traduit en français par Médar Nyonghur. Les gens sont compliqués. Pour 2000 francs, celui qui est venu à la maison et dire que je lui ai demandé l'argent, c'est vraiment horrible. Mais il y a des gens qui, de leur habitude, veulent du mal aux autres. Mais celui qui peut affirmer que je lui ai demandé de l'argent, qu'il vient confirmer ça, mais je sais bien que ce sont des mensonges. Si vous voulez, allez demander la population. Moi, je vends ces cahiers de ménage à 2000 francs bout et ce n'est pas moi qui a fixé ce prix. D'ailleurs, qu'il vienne nous dévoiler, c'est lui qui a propager ce rumeur, comme quoi il y a des gens qui vendent ces cahiers à 3000 francs bout. Par exemple, moi, depuis vendredi, tous les cahiers de ménage que je possédais étaient déjà écoulés. Je m'excuse, une petite rectification, ce chef de zone de quartier, ce n'est pas Alexis Ndikumana, c'est Alexis Ndikuniko. Une courte pause et nous parlons actualité internationale. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez en Haïti. En Haïti, après plus de 10 jours de passage de l'ouragan, le secrétaire général de l'ONU dit être déçu par la communauté internationale. Et en République centrafricaine, 11 personnes ont été tuées dans des violences dans un camp de déplacés en feu aux États-Unis d'Amérique. Notre confrère va nous parler de la rocambolesque de propositions de Donald Trump et de Hillary Clinton. Les détails avec Yves Ngunzimana qui a visité le site. Alors qu'Hillary Clinton planche en prévision du débat final de mercredi 19 octobre à Las Vegas, Donald Trump, au lieu de se préparer pour un difficile face-à-face, a préféré poursuivre sa campagne avec trois réunions publiques samedi 15 octobre dans New Hampshire, le Maine et le New Jersey, comme le disait sur le site de la RFI. Ce fut donc pour lui une occasion de faire une bizarre proposition. Je pense qu'elle est dopée pour le débat de mercredi. Peut-être que nous sommes des athlètes et les athlètes ont leur fait un test. Je pense que nous devrions faire un test anti-dopage avant le débat, a-t-il déclaré. En République centrafricaine, 11 personnes ont été tuées et une dizaine blessées et évacuées à l'hôpital de Bambari, à 300 km au nord-est de Bangui, par des tirs dans le camp des déplacés de la localité d'Ongakobo. Comme nous le lisons sur le site de l'AFP, les auteurs de ces actes ignobles n'étaient pas identifiés pour l'instant. Enfin, en Haïti, plus de 10 jours après le passage ravageur de l'ouragan Mathieu, Haïti peine à se relever. Plus de 175 000 personnes sinistrées sont toujours dans des abris provisoires à survivre dans des conditions plus que précaires. L'ONU estime que près d'un million et demi de Haïtiens ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, mais la trop faible réponse des bailleurs de fonds déçoit le secrétaire général des Nations Unies. Selon la RFI, le secrétaire général des Nations Unies a rappelé qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort parce que sur les 120 millions de dollars nécessaires, seuls 13% pour les ont été financés. Merci, Vécessis. C'était le Madi Vengundimana qui boucle la boucle de ce journal de ce dimanche. Mais avant de nous quitter, un petit rappel des titres. Célébration ce dimanche de la Journée internationale de l'alimentation. Certaines familles de quartier 4 de la zone Buterere en mairie de Bujumbura indiquent qu'ils mangent une fois par jour. Mon confrère Passi de Niungabo, Niomongele, qui s'y est rendu. 70% de la population burundaise en 2015-2016 ne mange pas du tout tous les groupes d'aliments, tels les propos d'un nutritionniste Atanase Nyanogeye dans son journal. Vous l'avez entendu. Et les autorités devraient analyser en profondeur s'il n'y aura pas de conséquences qui devraient arriver chez le consommateur. consommateurs. Cela a été dit par Noé Ngurunziza, représentant légal de l'association burundaise des consommateurs, au moment où l'Office burundais des recettes appelait les commerçants qui faisaient passer leurs marchandises par le poste frontalier de Kanyaruba d'emprunter d'autres voies. Noé Ngurunziza, vous l'avez suivi en début de ce journal. Ainsi se referme ce journal. Merci. Merci de votre fidélité. Merci aussi à toutes les équipes rédactionnaires et techniques qui m'ont aidé à le réaliser, à le présenter. Au micro, c'était Evrard Havdialimana. Excellente journée dominicale à tous. Et ne tournez pas le bouton. Nos programmes continuent sur Isanganiro.